Chapitre 11. Nous ne nous retrouvâmes qu'au dîner, tous deux anxieux de ce tête-à-tête si brusquement reconquis. Je n'avais absolument pas faim lui non plus. Nous savions tous les deux qu'il était indispensable qu'Anne nous revînt. Pour ma part, je ne pourrais pas supporter longtemps le souvenir du visage bouleversé qu'elle m'avait montré avant de partir, ni l'idée de son chagrin et de mes responsabilités. J'avais oublié mes patientes manœuvres et mes plans si bien montés. Je me sentais complètement désaxée, sans reine ni mort, et je voyais le même sentiment sur le visage de mon père. « Crois-tu, dit-il, qu'elle nous ait abandonnés pour longtemps ?»« Elle est sûrement partie pour Paris, dis-je. »« Paris, murmura mon père rêveusement. Nous ne la reverrons peut-être plus. » Il me regarda désemparé et prit ma main à travers la table. « Tu dois m'en vouloir terriblement, je ne sais pas ce qui m'a pris. » En rentrant dans le bois avec Elsa, elle... Enfin, je l'ai embrassée, et Anne a dû arriver à ce moment-là, et je ne l'écoutais pas. Les deux personnages d'Elsa et de mon père, enlacés dans l'ombre des pins, m'apparaissaient vaudevillesques et sans consistance, je ne les voyais pas. La seule chose vivante et cruellement vivante de cette journée, c'était le visage d'Anne. Ce dernier visage marqué de douleur, ce visage trahi. Je pris une cigarette dans le paquet de mon père, l'allumai. Encore une chose qu'Anne ne tolérait pas, que l'on fumât au milieu du repas. Je souris à mon père. Je comprends très bien, ce n'est pas ta faute. Un moment de folie, comme on dit, mais il faut qu'Anne nous pardonne enfin. Te pardonne. Que faire, dit-il. Il avait très mauvaise mine, il me fit pitié. Je me fis pitié à mon tour. Pourquoi Anne nous abandonnait-elle ainsi? Nous faisait-elle souffrir pour une incartade, en somme? N'avait-elle pas des devoirs envers nous? Nous allons lui écrire, dis-je, et lui demander pardon. C'est une idée de génie, cria mon père. Il trouvait enfin un moyen de sortir de cette inaction pleine de remords où nous tournions depuis 3 heures. Sans finir de manger, nous poussâmes la nappe et les couverts. Mon père alla chercher une grosse lampe, des stylos, un encrier et son papier à lettres, et nous nous installâmes l'un en face de l'autre, presque souriant, tant le retour d'Anne, par la grâce de cette mise en scène, nous semblait probable. Une chauve-souris vint d'écrire des courbes soyeuses devant la fenêtre. Mon père pencha la tête, commença d'écrire. Je ne puis me rappeler sans un sentiment insupportable de dérision et de cruauté. Les lettres débordantes de bons sentiments que nous écrivîmes à Anne ce soir-là. Tous deux sous la lampe comme deux écoliers appliqués et maladroits, travaillant dans le silence, à ce devoir impossible, retrouver Anne. Nous fîmes cependant deux chefs-d'œuvre du genre, pleins de bonnes excuses, de tendresse et de repentir. En finissant, j'étais à peu près persuadée qu'Anne n'y pourrait pas résister, que la réconciliation était imminente. Je voyais déjà la scène du pardon, pleine de pudeur et d'humour. Elle aurait lieu à Paris, dans notre salon, Anne entrerait et... Le téléphone sonna, il était 10 heures. Nous échangeâmes un regard étonné, puis plein d'espoir. C'était Anne. Elle téléphonait qu'elle nous pardonnait, qu'elle revenait. Mon père bondit vers l'appareil, cria « Allô ?» d'une voix joyeuse. Puis il ne dit plus que « Oui ?»« Oui ? Où ça ?»« Oui ?» d'une voix imperceptible. Je me levai à mon tour. La peur s'ébranlait en moi. Je regardais mon père et cette main qu'il passait sur son visage d'un geste machinal. Enfin, il raccrocha doucement et se tourna vers moi. « Elle a eu un accident, dit-il, sur la route de l'Estérel. Il leur a fallu du temps pour retrouver son adresse. Ils ont téléphoné à Paris, et là, on leur a donné notre numéro d'ici. » Il parlait machinalement sur le même ton et je n'osais pas l'interrompre. L'accident a eu lieu à l'endroit le plus dangereux. Il y en a eu beaucoup à cet endroit, paraît-il. La voiture est tombée à 50 mètres. Il eût été miraculeux qu'elle s'en tire. Du reste de cette nuit, je me souviens comme d'un cauchemar. La route surgissait sous les phares, le visage immobile de mon père, la porte de la clinique. Mon père ne voulut pas que je la revoie. J'étais assise dans la salle d'attente sur une banquette. Je regardais une lithographie représentant Venise. Je ne pensais à rien. Une infirmière me raconta que c'était le 6e accident à cet endroit depuis le début de l'été. Mon père ne revenait pas. Alors je pensais que, par sa mort, une fois de plus, Anne se distinguait de nous. Si nous nous étions suicidés en admettant que nous en ayons le courage, mon père et moi, c'eût été d'une balle dans la tête, en laissant une notice explicative destinée à troubler à jamais le sang et le sommeil des responsables. Mais Anne nous avait fait ce cadeau somptueux de nous laisser une énorme chance de croire à un accident. Un endroit dangereux, l'instabilité de sa voiture. Ce cadeau que nous serions vite assez faibles pour accepter. Et d'ailleurs, si je parle de suicide aujourd'hui, c'est bien romanesque de ma part. Peut-on se suicider pour des êtres comme mon père et moi? Des êtres qui n'ont besoin de personne, ni vivant, ni mort. Avec mon père, d'ailleurs, nous n'avons jamais parlé que d'un accident. Le lendemain, nous rentrâmes à la maison vers 3 heures de l'après-midi. Elsa et Cyril nous y attendaient, assis sur les marches de l'escalier. Ils se dressèrent devant nous comme deux personnages falots et oubliés. Ni l'un ni l'autre n'avait connu Anne, ni ne l'avait aimée. Ils étaient là avec leurs petites histoires de cœur, le double appât de leur beauté, leur gêne. Cyril fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Je le regardais. Je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais trouvé bon et attirant. J'avais aimé le plaisir qu'il me donnait, mais je n'avais pas besoin de lui. J'allais partir, quitter cette maison, ce garçon et cet été. Mon père était avec moi. Il me prit le bras à son tour et nous rentrâmes dans la maison. Dans la maison, il y avait la veste d'Anne, ses fleurs, sa chambre, son parfum. Mon père ferma les volets, prit une bouteille dans le frigidaire et deux verres. C'était le seul remède à notre portée. Nos lettres d'excuses traînaient encore sur la table. Je les poussai de la main. Elles voltigèrent sur le parquet. Mon père, qui revenait vers moi avec le verre rempli, hésita, puis évita de marcher dessus. Je trouvais tout ça symbolique et de mauvais goût. Je pris mon verre dans mes mains et l'avalai d'un trait. La pièce était dans une demi-obscurité. Je voyais l'ombre de mon père devant la fenêtre. La mer battait sur la plage.